À toi, Coco. Sing the song. I follow you. I try. If you want to change the BP. You want drum? You want drum? Si tu me donnes les accords. Bah, il est français en plus. Il est français, je suis en train de parler anglais, t'es français. On va parler français, ça sera plus facile. Ben, je sais pas, juste ce que tu as envie. Mais je te demande si tu veux de. Tiens, je vais essayer de mettre un truc. Attends, je vais changer de batterie là. Elle est un peu. Elle est un peu agressive celle-là. Comment on fait ? Thank you. C'est joli.